Le hussard sur le toit de Jean Giono. Douzième épisode. Angelo et la jeune femme qui l'accompagne ont passé la nuit dans une auberge à Mongeil. Malgré l'épidémie de choléra et les barrages de soldats, ils veulent rejoindre le château de Théus, près de Gap. Les nouvelles que j'ai de Chauvac ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous servir de la partie la plus déserte du pays. Fuir les routes et les villes, tous les endroits où il y a des gens. Il paraît que non seulement ils ont le choléra, mais encore ils sont devenus fous. Ils montèrent dans des escarpements, puis à travers une maigre forêt. Le jour était bleu sombre. Les arbres luisaient de la pluie passée. Les branches se déchargeaient de leur eau en soupirant. Mille petits ruisseaux faisaient dans l'herbe des bruits de chats. Regardez, ces taches rouges sur la gauche. Des soldats. Et des gens. Ils viennent de se faire prendre. Et on les ramène en ville. À l'orée du bois, ils découvrirent un pays triste. La terre décharnée montrait l'os. Ils remontèrent de l'autre côté pour découvrir toute une succession de creux et de dunes délabrées. Pendant plusieurs heures, ils suivirent les crêtes. Nous sommes perdus. Il faudrait trouver un paysan pour nous renseigner. Sans quoi nous allons errer jusqu'au soir. Descendons dans le sol. Du haut de leurs chevaux, et même en regardant de tous les côtés, ils ne purent apercevoir âme qui vive. Il y avait quelque chose de fade et d'écœurant dans cette monotonie de grisaille et de désert. La tristesse était dans le pays comme une lumière. On doit pouvoir s'habituer à ces lieux. Et même ne plus avoir le désir d'en sortir. Je pourrais donc jouir du plus vif bonheur au sein de la lâcheté, du déshonneur, et même de la cruauté. L'homme est également fait pour ses sentiments qui me paraissent d'un autre monde, comme cet endroit-ci. Je m'excuse. Je voudrais vous parler, mais je ne sais que dire. Ne vous excusez pas. Rien ne me passe par la tête à moi non plus. Sinon, il y a 2 minutes, une idée à laquelle j'ai essayé de me réconforter. Laquelle ? Chauvac et les soldats sont loin maintenant. Regardez-nous. Ici, debout sur notre piédestal. Nous n'avons jamais été en plus grande sécurité. Nous sommes en dehors de toute atteinte. C'est un pays sans choléra ni révolution. Et comme il est triste. Enfin, au bout d'une heure de marche silencieuse et pensive, dans un paysage de larges étendues battant des ailes, ils aperçurent au milieu d'un quartier dénudé une sorte de pilier qui se dressait solitaire. C'était un oratoire rustique surmonté d'une petite croix de fer. Allons, j'ai rêvé. Les âmes sont là. Il me faut retomber sur mes pattes. Ceci l'indique. Une maison. Arrêtez-vous! Nous l'avons échappé belle. Plus que vous ne croyez, c'est un lion. Vous n'imaginez pas comme il aime mordre. Quand il le fait, monsieur, c'est trop tard. Où sommes-nous? Attendez. Je vais enfermer celui-là d'abord. Regardez, un seau plein de sang. Comment s'appelle cet endroit? Ça ne s'appelle pas. Oh, du moins, j'en sais rien. C'est chez nous. Et tout ça, c'est Charouille. Est-ce qu'il y a un village par là? Ici? Non, jamais. En bas, dans le Val, oui, mais c'est loin. Et il faut connaître. Vous venez d'où? De Mongé. C'est pas une direction. On vient jamais de Mongé. Qu'est-ce que c'est que tout ce sang? On a tué le cochon. Mais au fait, vous pensez peut-être à quelque chose? Il va pas tarder à faire nuit. On ne pensait à rien il y a 10 minutes. Maintenant, on penserait peut-être à attendre le jour par ici, si vous le permettez. Entrez. J'avoue que pour aller au Val, c'est une trotte. Et par les bois. Enfin, c'est une drôle d'idée de venir ici de manger. Voilà le porc, fondu comme une pastèque. Et ma femme. Ne vous inquiétez pas pour elle. Il y aura 10 ou 12 ans pour Noël qu'elle n'a plus prononcé une parole. Je vais vomir. Sortons. C'est l'odeur. La petite dame n'est pas habituée à l'odeur du sang. Allongez-vous sur la paille. Là, doucement. Allongez-vous. Tenez. Buvez un peu d'alcool. Reposez-vous maintenant. Vous me couvrez trop. J'étouffe. Je vais faire du feu et du thé. Oh. J'ai failli tourner de l'œil. Comment avez-vous pu supporter la vue de toute cette viande rouge et de cette femme pâle qui se découpait elle-même en morceaux et faisait bouillir sa propre graisse dans le chaudron? Vous m'avez fait peur. Quand je vous ai vue blanche comme un linge, j'ai pensé tout de suite à cette contagion qui m'était sortie de la tête. Vous voyez, maintenant que la nuit est tombée, la maison nous regarde de son gros œil rouge de porte ouverte. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce long couteau pointu? Il détache les jambons. Tenez, voici votre thé. Vos couleurs sont revenues. Merci. J'ai eu très peur. Merci. La lune s'est levée. On voit des lumières en bas des montagnes. Comment va la petite dame? Très bien. Ah, monsieur, je vois que vous fumez un cigare. Ça ne vous ennuierait donc pas que je bourre ma pipe? Nullement. Qu'est-ce que vous buvez là? Du thé. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de café. Paraît que ça va mal en bas dans les vallées. À cause de quoi? Vous devez en savoir plus long que moi. Si vous voulez parler du choléra, oui. Ça fait du dommage. J'ai un peu vu, oui. Je suis descendu il y a un mois. Ça mettait bien les gens sans dessus dessous. Ils faisaient des tas d'histoires. J'avais vendu des brebis à un Duval qui est mort. Chercher les héritiers, ça a été la croix et la bannière. On les avait emmenés à Vaumeil pour les passer au camphre. Qui les avait emmenés? Les soldats. Il y en a en bas? Il n'y en a pas, mais il en vient quand il faut. Ça fait 4 qu'on a étendu, petit à petit. Ils sont devenus méchants depuis. Étendus? On les a tués, vous voulez dire? Mesdames, faut jamais fourrer son nez à tort et à travers. D'autant qu'ils sont menteurs. Ils ont la colique comme tout le monde, alors pourquoi qu'il faut aller avec eux à Vomeil? Question de faire la loi, on est d'accord. Mais moi, j'ai eu la colérine, comme tout le monde. On pousse culotte 2 ou 3 fois, au lieu d'une, un point c'est tout. De celle-ci, on en meurt un peu, paraît-il. C'est simplement le temps qui met les bouchées doubles. Il n'y a pas de quoi crier aux voleurs. Pourtant, je suis obligé de convenir que certaines choses ont plutôt l'air bizarres. Mais faut pas croire que ça vient de petites mouches qu'on avale avec la respiration. À la Motte, qui n'est qu'à 5 lieues d'ici, un chien s'est mis à parler. Oh. Il a même récité les réponses du catéchisme sur l'extrême onction. À Gantière, le 22 juillet dernier, il est tombé une averse de crapaud. Ce sont des fêtes. Je connais une femme qui a toujours été recta et mère de famille. Et sur la tête de ses enfants, elle m'a juré avoir sorti elle-même de l'oreille de sa cadette, qui s'appelle Julie. Un petit serpent gros comme le doigt. Et long comme une aiguillée. Un animal jaune, rétif, comme un âne, qu'elle a tué avec son hachoir et qui a prononcé distinctement les mots « Ave Maria » avant de mourir. Ouais. Moi-même, il n'y a pas 5 jours, un matin que je gardais les moutons, j'étais seul sur la lande que vous venez de traverser. J'ai vu, montant du côté de Vomeil, un nuage que j'ai d'abord pris pour de la fumée, puis pour de la suie. Et qui étaient, monsieur et madame, plus de 500 000 corbeaux. Ils sont venus ici au-dessus, ils ont manœuvré comme à la parade. Et il y avait une voix qui sortait de terre, qui donnait des ordres. Ce n'est pas fini. J'ai passé le versant avec mes moutons, et je me suis caché derrière la crête. « Halte au rapport !» a dit la voix. Ils sont descendus, ils sont posés. « Qui a mangé du chrétien ?» a dit la voix. « Moi, moi, moi !» ils ont répondu. « À droite, par 4 !» elle a dit. « Venez chercher les médailles !» Ils allaient en rang par 4 jusqu'au grand faillard qui est tout seul. Et là, sous l'ombrage, il y avait quelqu'un qui parlait, qu'on ne voyait pas, et qui disait « Je suis content de vous. On va voir de quel bois je me chauffe. » Et quand je suis revenu sur mes pas, il n'y a plus de corbeau. J'ai regardé sous le faillard, d'abord de loin, puis je suis venu pas à pas jusqu'à toucher le tronc même. Eh bien, monsieur, il n'y avait personne. Comme de bien entendu. Des mouches, ils disent. Ils disent que c'est des mouches. Ils me font rigoler avec leurs mouches. Nous aussi, nous avons rencontré de drôles de corbeaux. Ça signifie que le choléra n'est pas une nouveauté. Nous payons des pots cassés depuis que le monde est le monde. Ce n'est pas maintenant qu'on va en tirer parti pour ne pas me donner l'argent qu'on me doit. Ou alors, il n'y a plus que votre liberté. Au matin, le ciel était clair, la journée s'annonçait brillante. Il y avait déjà du roux d'abricot sur toutes les montagnes. Je vous trouve un peu palote. Le voyage d'hier vous a fatigué, de corps et d'âme. Voulez-vous un jour de repos? Cet homme n'a manifestement pas le choléra. Je me sens forte comme un Turc. J'ai seulement passé une partie de la nuit sans fermer l'œil. Si les corbeaux de Napoléon Ier ne nous ont pas volé notre maïs à la cassonade, mangeons-le en prenant le thé, et je suis prête. Ils marchèrent environ 2 heures dans des paysages semblables à ceux de la veille, avant d'apercevoir une combe pleine de saules et les toits d'une 20aine de maisons serrées au milieu des prés. Ils passaient l'un derrière l'autre dans un mince couloir entre 2 granges, quand ils entendirent devant eux des bruits déplaisants, mais ils étaient lancés et ils débouchèrent sans pouvoir faire volte-face sur une placette pleine de soldats et transformés en souricière par des tombereaux braqués en travers de toutes les issues. Avouez que c'est assez bien combiné, patron. Allez, faites contre mauvaise fortune bon cœur. C'est pas la mort à boire. On vous veut du bien. Dites qu'on s'éloigne de cette jeune femme. Nous n'avons pas l'intention de fuir. Ce serait coton, mon prince. On ne vous la mangera pas, la petite. On n'a pas faim. Ne faites pas les méchants. Nous ne comprenons rien à ce qui arrive, monsieur. D'où êtes-vous? Et où allez-vous? Nous sommes de Gap et nous rentrons chez nous. On ne rentre pas chez soi, madame. Il est défendu de voyager. Ceux qui sont sur les routes doivent rejoindre une quarantaine. Il vaudrait mieux nous laisser rentrer chez nous. Je n'ai pas à savoir ce qu'il vaudrait mieux, je ne discute pas les ordres. 8 hommes, sous le commandement de Dupuis. 2 groupes de 4. Un pour la femme et un pour l'homme à 5 pas. Conduisez-les à Vaumeil. Je n'ai pas à savoir ce qu'il vaudrait mieux, madame. Du calme, messieurs, dames, ne me compliquez pas l'existence. J'ai admiré votre manège tout à l'heure. Félicitations, ma petite dame. Vous savez comment on place un canasson pour le faire charger. N'êtes pas de la bleusaille, vous. Eh ben, moi non plus. Raison de plus pour nous entendre. Ouais, amenez-vous avec le papa du puits. Je vais vous conduire à l'hôtel du roi d'Angleterre. Ne tentez rien à moins d'être sûr. Si vous avez une chance de filer seul, prenez-la. Je leur donnerai du fil à retordre. Cachez vos pistolets. Et je n'ai pu en cacher qu'un, ils sont trop gros. À cheval ! Écartez la barricade ! À l'avant ! Pas si vite, là-devant ! Ah non, mais qui m'a foutu ces sacrés couillons, hein ? D'où viennent ces multitudes de papillons? Il y en a qui sont gros comme des moineaux. Ça vous épate, ces saloperies. Vous n'avez pas fini d'en voir. Il y a autant de ces vaches-là que de mouches. Ça mange l'homme, tout faroxé. Ah, je ne vous conseillerais pas de vous coucher dans l'herbe si c'était possible. Vous en auriez vite jusque dans la bouche. Et ce qu'ils préfèrent, ces sacrés salauds-là, ce sont les yeux, comme tout le monde. Ah, qu'est-ce qu'on est foutu d'avoir dans l'œil pour que les bêtes en soient si friandes. Enfin, à un détour, on vit les 5 ou 6 lacets de route qui séparaient encore de Vaumeil. Le bourg couronnait tout le sommet de la haute colline jaune. Les remparts plongeaient dans de larges fossés que la petite troupe traversa sur une levée de terre. On déboucha sur une vaste esplanade éblouissante de blancheur d'où l'on découvrait le vaste flottement en rond de toutes les montagnes. Ah, ici, vous serez au bon air. Patience, je ne dors pas. Nous ne resterons pas longtemps. Avec cette porte et ces murs? Vous avez été des amours. Il y en a qui font les manières, ou qui pleurent, ou qui donnent des sous, que je prends pour boire. Entre parenthèses, ça vous ferait bien voir si vous payiez quelques litres de vin à ces braves soldats qui font un métier de chien. Je ne cherche pas à me faire bien voir. Nous vous avons suivi sans faire d'histoire. Il vous reste à justifier votre façon de procéder. J'attends. Vous n'avez pas fini d'attendre, mon petit monsieur. Exactement 40 jours, si tout va bien. C'est le tarif. Par ici la sortie. Deux, mon capitaine. Coulez aux bonnes sœurs, avec les autres. Par file à droite. Ouais. J'espère qu'on n'a pas déjà pillé notre bagage. Ah, c'est dans le domaine des choses possibles. Je serais disposé à donner un écu en argent à celui qui pourrait me faire rendre le porte-manteau de madame. Et le mien. Avec les sacoches? Disons qu'avec les sacoches, j'irai jusqu'à 8 francs. Je savais que vous étiez un bon type. J'ai un vice. Je peux pas me décider à voler, c'est plus fort que moi. Je recueille des héritages, d'accord, mais voler, c'est pas dans ma conformation. Enfin, ça m'empêchera pas d'être votre légataire universel, si les choses tournent comme d'habitude. Allez jusqu'à 10 francs. Je n'en ai que 8. Vous trouverez le reste dans ma succession. Mais pressez-vous. Ouais. J'ai compté. Ils sont 24. Tant que ça? Le lieutenant d'en bas a le colère au sec et ne passera pas la journée. Souhaitons qu'il porte chance à 2 ou 3 soldats. C'est tout au plus si j'en aurais 7 ou 8 sur les bras ce soir, en comptant ceux qui auront la frousse, non pas de moi, mais de la mort subite. Or, regardez ces couloirs. Je peux manœuvrer de façon à n'en avoir jamais que 2 en face. Mais... je vous défends de vous battre de cette façon-là. Pourquoi voudrait-il se battre? Mais c'est un enfant, ma mère. Ah, voilà vos bagages. Vous constaterez qu'on n'y a pas touché. Voilà 10 francs. Vous constaterez que je suis de parole. Suivez-moi. Ici, le logis et la nourriture se fait content et d'avance. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Tout le monde est mortel et on meurt beaucoup en cette saison. Nous n'avons pas les moyens de rester avec les denrées sur les bras. Nous avons nos pauvres. Montez cet escalier. Vous êtes dans votre domaine. Je vous ai vu examiner la largeur des portes, compter les pas et prendre des points de repère. Vous ne pouvez pas vous choisir de quarantaine plus excitante. Vous êtes forcé de vous échapper. Bien entendu. Désormais, nous avons les mains libres. Je n'ai pas l'intention de perdre du temps. Je sais ce que nous allons voir ici. Et l'enfer n'a pas de bonne manière. Qu'est-il faire pour les avoir? Comme partout, monsieur. Nous sommes ici depuis hier soir et personne ne s'est soucié de nous. Donnez-leur donc des soucis vous-même. Mais qu'est-ce que c'est que ce sabre que vous tenez à la main? Mon parapluie. Venez à la fenêtre. Ne vous inquiétez pas. Et gardez-vous bien de réfléchir, comme ils font tous. Ça donne l'air niais et on est perdu. Vous avez plus de finesse et de courage que tous réunis. Mais vous avez plus de cœur. Et vous iriez trop bas. Je pense exactement ce que vous dites. Avec toutes les bonnes paroles du monde, on ne peut pas s'empêcher de grelotter quand il fait froid. Nous sortirons d'ici, même s'il faut descendre le long des murs comme des mouches. Voilà la seule pensée que je vous permette. Je vous vois en grande conversation. Vous êtes nouveau et vous vous demandez comment vivre. C'est facile. Tous les nouveaux préfèrent cuisiner eux-mêmes sur des petits feux qu'ils allument là-bas dans ce coin. Si vous voulez un paquet de bois brûlé, je suis prêt à vous le vendre. 6 sous. Si vous fumez, je vends du tabac de troupe. J'ai également à votre disposition un petit flacon d'eau de vie, toujours utile pour les malaises de madame. Pour 3 sous, je me charge de vous trouver un homme qui vous remplacera quand ce sera votre tour de corvée d'eau de matière malodorante. Également 3 sous pour madame qui, d'après nos lois, y est astreinte comme tout le monde. Enfin, demandez, et si vous avez de quoi, vous serez servi. Vous êtes exactement l'homme que je cherchais. Voilà 20 sous pour le bois, les corvées, et le plaisir de vous connaître. Les gens bien élevés sont les maîtres partout. Je suis représentant en machine à coudre. Je faisais tout ce que je pouvais pour rentrer à Valence en catimini quand on m'a pris bêtement au bord de la route où j'étais en train de dormir sous un arbre. On m'a enfermé ici avec 6 personnes qui sont allées manger les mouves par la racine l'une après l'autre dans les 3 jours. On m'a nommé chef de chambrée parce que je suis le plus ancien, que je tiens le coup et qu'il faut de l'ordre. J'ai des listes. Les soldats ont amené ici 112 personnes. Nous sommes aujourd'hui 34 en comptant les arrivées d'hier soir et vous deux. Enfin, pour le moment, au lieu de diminuer, nous augmentons. Et de gens comme vous dont il faudrait beaucoup. Ouais. C'est une belle journée, hein. 6 hommes de corvée. Va aller chercher le chaudron de soupe en bas. Toi. Regardez par la fenêtre. C'est la patrouille qui rentre. 4 chevaux sans cavalier. Et c'est Dupuis, le brigadier, qui a pris le commandement. J'ai l'impression que le lieutenant a fait école. Attendons-nous encore à diminuer. Bon appétit. Nous allons nous contenter de thé aujourd'hui, nous deux. Bien que nous ayons payé notre écho. Écoutez, je vous embêterai pas. Je sais qu'entre mari et femme, on a des choses à se dire qui regardent personne, surtout dans cette situation. Donnez-moi un bol de thé, un peu de sucre, j'irai le boire dans mon coin et je vous foutrai la paix. Mais moi non plus, je ne mangerai pas de soupe. J'ai déjà vu des scènes pas très jolies. Faut pas vous fier à leur gibus, vous savez, monsieur. Dessous, c'est une chose dont je ne dirai pas le nom devant madame, mais qui sent pas bon. Allez chercher du bois. Je n'ai plus peur de la mort. De quoi avez-vous peur à la place? Du chaudron. Nous avons les pistolets. Je n'aurai pas le courage. Moi non plus. Mais si vous pouviez abattre seulement de votre main un de ces goinfres crasseux, et qu'il reprenne devant vous figure humaine en mourant violemment, et dans du sang au lieu d'ordure, ça vous remettrait d'aplomb. Ce n'est pas sur nous qu'il faudra tirer le coup de pistolet. C'est sur eux. Vous le feriez? Je ne sais pas ce que je ferai. Nous avons du thé pour 5 jours. Dans 5 jours, nous serons loin. Mais si nous ne sommes pas loin, nous serons au point où il faudra devenir comme eux. Ou rester ce que nous sommes. Ça vous suffit comme raison? Je pensais tout à l'heure que si l'appui de cette fenêtre n'était pas si haut, il suffirait de se pencher imprudemment. Ce qui se fait sans effort. C'est votre propre poids qui vous entraîne. Je m'étonne qu'il n'y ait pas pensé. Peut-être l'ont-ils fait. On préférait le chaudron. Venez. Penchons-nous à cette fenêtre. Non pour perdre l'équilibre, mais pour le retrouver. Le soleil avait déjà incliné sa lumière. Les montagnes recommençaient à prendre corps. Angelo et la jeune femme dominaient une partie des toits de la bourgade et tout un côté du château. Ils restèrent là plus de 2 heures à regarder le ciel qui devenait d'un beau gris perle. Le hussard sur le toit de Jean Giono.